السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات، حياكم الله. Donc bienvenue à tous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit bienfaisant envers vous. Donc nous allons poursuivre l'explication des paraboles du Coran. Et donc hier, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons vu deux paraboles qui sont dans Sourate An-Nahl, donc Sourate les abeilles. Et aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, nous allons voir deux autres paraboles qui se trouvent cette fois-ci dans Sourate Al-Hajj, donc Sourate le pèlerinage. Et concernant cette Sourate, les savants ont divergé. Donc certains, ils sont d'avis que c'est une Sourate mécoise. Et d'autres, parmi les savants, sont d'avis que c'est une sourate médinoise. Mais l'avis de la majorité, c'est l'avis le plus juste, incha'Allah ta'ala, et c'est l'avis qu'a mentionné et choisi l'imam al-Qurtubi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Et cet avis, c'est que sourate al-Hajj est une sourate mécoise et médinoise. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le plus savant. Et sourate al-Hajj, concernant les sujets qu'elle aborde, les savants nous disent qu'elle se divise en trois catégories. La première catégorie, c'est les versets qui parlent de la résurrection et ses preuves et tout ce qui va se passer après la résurrection. La deuxième catégorie, ce sont les versets qui parlent du pèlerinage et de la mosquée sacrée. Et la troisième catégorie, ce sont des sujets généraux tels que le combat, la perdition des injustes, l'unicité et la mention de certaines paraboles. Et la première parabole qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans cette sourate, elle se situe dans le verset 31. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: Hunafa'a lillahi ghayra mushrikin bih wa man yushrik billahi faka'annama kharra min as-sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit selon la traduction rapprochée: vouez un culte exclusif à Allah et ne lui associez rien, car celui qui associe à Allah est semblable à celui qui tombe du haut du ciel et que les oiseaux happent, ou à celui que le vent précipite vers un lieu perdu. Donc dans cette parabole, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de la situation de celui qui associe à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous informe qu'il est voué à la perdition. Mais ce qui est voulu ici, c'est celui qui associe à Allah subhanahu wa ta'ala et qui meurt sans s'être repenti. Car c'est lui qui est voué à la perdition. Au contraire de celui qui associe à Allah subhanahu wa ta'ala et qui se repent avant de mourir. Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera. Car l'islam efface tout ce qu'il précède. Et les versets dans ce sens-là sont certes nombreux. Par exemple, il y a le verset 38 dans surat At-Tawbah, ou afwan, le verset 38 dans surat Al-Anfal, le butin. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفْ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ » Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans la traduction rapprochée, dit à ceux qui ne croient pas que s'ils mettent fin à leur mécréance, on leur pardonnera ce qui s'est passé. On leur pardonnera ce qui est passé, mais s'ils persistent, ils subiront le sort de ceux qui les ont précédés. Et la question qu'on peut se poser ici, qu'en est-il de celui qui se repent lorsque la mort lui vient? Rentre-t-il dans ce genre de verset ou non? La réponse à cette question est qu'il est semblable à celui qui a associé Allah sans se repentir. Donc il est semblable à celui qui a associé à Allah subhanahu wa ta'ala et qui est mort sans se repentir. Et la preuve de ça réside dans le verset 18 de sourate An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala il dit وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il n'est pas de repentir pour ceux qui commettent le mal jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux et qui dit à présent je me repens, ni pour ceux qui meurent mécréants, pour eux nous avons préparé un châtiment douloureux. Et l'éminent savant cher Mohammed Al-Amin Al-Shanqiti alayhi rahmatullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit à propos du tafsir de ce verset, donc dans sourate Nisa, il dit ce verset indique que mourir sur la mécréance est équivalent à se repentir lors de la venue de la mort. Fin de citation. Donc on tire de cette parole que les versets où Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que la destination du mécréant et le polythéiste est l'enfer, ceci concerne celui qui meurt sur le polythéisme ou la mécréance, et aussi celui qui associe ou mécroit et qui se répand à l'arrivée de la mort. Donc dans cette parabole, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, selon la traduction, celui qui associe à Allah est semblable à celui qui tombe du haut du ciel et que les oiseaux happent, ou à celui que le vent précipite vers un lieu perdu. Ceci car celui qui tombe du haut du ciel et qui est dans cette situation, il est certes voué à l'échec et à la perdition. Il n'y a aucun retour possible. Il est impossible pour lui de faire marche en arrière. Il ne peut rien faire pour éviter cette situation. Même s'il le voudrait, il ne pourrait rien. Tout comme celui qui associe à Allah subhanahu wa ta'ala, il est certes voué à la perdition, et ne peut rien faire pour éviter cela. Car le feu sera son refuge. Et il n'y a pas pire perte que cela. C'est pour cela qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le verset 15 de sourate Az-Zumar, قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَاسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit selon la traduction, dit « Les véritables perdants sont ceux qui au jour de la résurrection auront causé leur propre perte ainsi que celle de leur famille. Telle est la perte manifeste. Au-dessus d'eux s'étendront des couches de feu, ainsi qu'au-dessous d'eux. Voilà ce dont Allah menace ses serviteurs. Ô mes serviteurs, craignez-moi donc. » Et donc dans cette parabole, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que celui qui tombe du haut du ciel, soit les oiseaux le happent, ou soit le vent le précipite vers un endroit lointain. Donc on remarque que dans tous les cas, il est voué à la perdition, tout comme le polythéiste. Et c'est à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on demande le secours. Donc voici ce qu'on peut dire concernant donc la première parabole. Et la deuxième parabole d'aujourd'hui se trouve dans le verset 73 et 74, donc toujours de la même sourate. Sourate al-Hajj, donc sourate le pèlerinage. Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Ya ayyuha an-nas duriba mathalun fastami'u lah. Inna alladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wa law ijtama'u lah. Wa in yaslubhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min. Da'afa at-talib wal-matlub. Ma qadarullaha haqqa qadrihi. Inna Allaha laqawiyyun 'aziz. » Allah subhanahu wa ta'ala dit selon la traduction, ô homme, une parole vous est proposée. Écoutez-la. Ce que vous invoquez en dehors d'Allah ne saurait créer une mouche, même s'ils s'unissaient pour cela. Si la mouche leur prenait quelque chose, ils ne sauraient le lui reprendre. Solliciteurs et sollicités sont aussi faibles l'un que l'autre. Ils n'ont pas estimé Allah comme il le mérite. Allah est fort et puissant. Dans cette parabole, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre la faiblesse de ceux qui sont adorés en dehors de lui et la fausseté de leur adoration et le manque de raison dont fait preuve ceux qui les adorent. Et Ibn al-Qayyim, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, dit concernant cette parabole, il faut que le cœur de chaque serviteur prête attention à cette parabole et qu'il médite beaucoup dessus. Fin de citation. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il commence cette parabole en disant selon le sens « ô homme ». Et ici c'est général, qu'il s'agisse des croyants ou bien des mécréants. Ensuite il dit selon la traduction, une parole vous est proposée, écoutez-la. C'est-à-dire, écoutez-la et méditez sur cette parabole. Car l'écoute sans méditation n'est pas profitable. Ensuite, il dit selon le sens, ceux que vous invoquez en dehors d'Allah. Et ceci est général. Ça englobe tout ce qui est invoqué en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, selon la traduction, ne serait créée une mouche. Donc malgré que la mouche est l'une des créatures les plus infimes et les plus insignifiantes, il ne sera créé une mouche. Mais il y a pire que cela encore. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit par la suite, selon la traduction, même si il s'unissait pour cela. Subhanallah. C'est-à-dire si toutes les divinités unissaient leurs forces pour créer ne serait-ce qu'une créature infime et insignifiante, telle que la mouche, il n'y arriverait même pas. Donc si tel est le cas, comment une personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé une raison peut-il adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Comment peut-il lui vouer l'adoration? Comment peut-il placer sa confiance en lui? Comment peut-il espérer en lui? Et c'est à Allah subhanahu wa ta'ala que nous demandons le secours. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, selon la traduction, si la mouche leur prenait quelque chose, il ne saurait le lui reprendre. Et ceci est une autre preuve de leur faiblesse. Car la mouche, comme nous l'avons mentionné, est une créature faible et insignifiante. Malgré cela, si elle leur prend quelque chose d'infime, il ne saurait lui reprendre. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné cela, car à l'époque, les mécréants, ou plutôt les polythéistes, ils enduisaient les idoles de baume. Donc si une mouche viendrait prendre, se mettre sur l'idole et prendre quelque chose de cette baume, l'idole ne pourra rien faire. L'idole ne pourra rien faire et ne pourrait même pas se défendre et reprendre cette chose infime que la mouche lui a pris. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il veut par cela nous montrer que ce qui est adoré en dehors de lui ne mérite pas l'adoration. Ceci car comme Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah, il l'a mentionné, au minimum, la divinité doit être capable d'apporter un profit pour celui qui lui voue l'adoration. Et aussi écarter ce qui est nuisible pour celui qui lui voue l'adoration. Mais ici, ce n'est pas le cas. Car les divinités qu'adorent les polythéistes ne sont même pas capables de créer, même s'ils se réuniraient pour cela. Alors que dire de ce qui est plus grand et plus important? Mérite l'adoration celui dont sa science englobe toute chose. Celui qui est capable de toute chose, celui qui a créé toute chose, celui qui donne la vie et celui qui donne la mort. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon la traduction, solliciteur et sollicité sont aussi faibles. Selon Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, le solliciteur et l'idole. Et le solliciter et la mouche. Et les deux sont faibles. Et encore plus faible que celui qui s'attache à l'idole. Et qu'il la met et qu'il la place au même niveau qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'Allah dit par la suite, selon la traduction, ils n'ont pas estimé Allah comme ils le méritent. C'est-à-dire, ils n'ont pas immensifié Allah comme il se doit lorsqu'ils ont adoré avec lui ce qui ne peut même pas créer une mouche et qui est incapable de reprendre une chose que la mouche lui aurait pris. tel que la baume avec lequel on induisait les idoles. Donc avec ça, on a fini l'explication de ces deux paraboles et on va passer à quelques enseignements de ces deux paraboles. Donc le premier enseignement de cette parabole, c'est le lien entre l'unicité de la seigneurie et l'unicité de l'adoration. Donc en effet, comme les savants l'ont mentionné, l'unicité de la seigneurie est une preuve, est un argument pour l'unicité de l'adoration. Et comme vous le savez, l'unicité de la seigneurie consiste à unifier Allah par ses actions, c'est-à-dire croire qu'Allah est le seul créateur, est le seul qui donne la vie, est le seul qui donne la mort, est le seul qui donne la subsistance. Et l'unicité dans l'adoration consiste à unifier Allah par nos actions à nous, c'est-à-dire nos adorations. Donc si la personne, elle croit qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à créer, est le seul à donner la vie, est le seul à donner la mort, et que personne n'est capable de faire cela, alors cela va le pousser à vouer toutes ses adorations pour Allah et à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui va le pousser aussi à ne pas adorer autre qu'Allah, car cet autre-là ne crée pas et il est même créé. Et il ne donne pas la subsistance, car il est lui-même pourvu. Et subhanallah, ceci nous rappelle l'histoire que certains savants de Najd mentionnent dans leur livre. Ils mentionnent qu'à l'époque, il y avait un groupe de personnes qui appelaient les gens au shirk. Ce groupe de personnes, donc il appelait les gens à vouer l'adoration pour une personne morte, si je ne me trompe pas, si mes souvenirs sont bons. Et ils ont demandé à quelqu'un parmi les gens du commun des musulmans de vouer une adoration pour cette personne qui est morte. Ils ne se sont pas arrêtés ici, ils ont même mentionné un verset du Coran. Car comme vous le savez, chaque personne qui prêche le faux, comme l'a mentionné Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, toute personne qui prêche le faux, il va mélanger au faux certaines choses qui sont vraies. Car comme il dit, le faux qui est totalement faux, c'est-à-dire le faux pur, personne ne l'accepte. Mais toute personne qui prêche le faux, il va mélanger à ce faux-là un verset ou un hadith, ou ce genre de choses. Donc ces gens, lorsqu'ils sont partis voir cette personne, donc parmi les gens de la masse, et ils lui ont dit, vous, une adoration pour cette personne, donc pour le convaincre, ils ont cité un verset. Et ce verset-là, c'est le verset 169 de Surat Ali Imran. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, « وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ » Allah subhanahu wa ta'ala le dit selon la traduction, « Ne pense surtout pas que ceux qui sont tués sur le sentier d'Allah sont morts. Ils sont au contraire bien vivants auprès de leur Seigneur bien pourvu. » Donc cette personne, elle a écouté le verset attentivement. Ensuite, elle leur a dit que dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que ces gens-là, ils sont pourvus. Mais il ne dit pas que ces gens-là pourvoient, c'est-à-dire donnent la subsistance. Donc je ne peux pas adorer ceux qui sont pourvus, mais je dois plutôt adorer celui qui donne la subsistance. Et il a rejeté l'adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ceci nous montre le lien qu'il y a entre l'unicité de la seigneurie avec l'unicité de l'adoration. Et le deuxième enseignement, il y a dans cette parabole un procédé pour appeler les gens à la religion et au tawhid. Et ce procédé consiste à montrer la faiblesse des divinités et à montrer l'incapacité des divinités qui sont adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce procédé a été utilisé par les prophètes, notamment par le prophète Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a appelé son peuple et aussi lorsqu'il a donc appelé et conseillé son père. Donc ça, ce sont les deux enseignements qu'on peut tirer de ces deux paraboles. Il y en a d'autres, mais comme je l'ai mentionné hier, en général, on mentionne deux, trois enseignements pour faciliter la mémorisation.